Alors le Trabolo 3 est très intéressant. Dès que je vais pouvoir l'afficher. On a vu l'artiste, comment il fonctionne. Donc il produit beaucoup d'œuvres. Alors pour les photographes, c'est très simple parce qu'ils ont juste à imprimer, ils ont déjà tout prêt. Produit beaucoup d'œuvres, on vend beaucoup d'œuvres et donc on le paye sur la quantité comme Tang Frère, comme chez les Chinois. Ils vendent les produits pas chers mais ils en vendent des milliers. Et du coup, ils sont milliardaires. Voilà ce qu'on va faire. D'ailleurs, c'est un bon pied de nez. Pourquoi? Parce que les artistes, les galeristes, justement, et tout le marché ne vend pas beaucoup d'œuvres. Ils vendent très peu d'œuvres, très très chères, en disant c'est le must, mais en fait, c'est pas le must, puisque c'est nous qui vendons la collection du réel. C'est pas à eux de choisir fondamentalement, parce qu'ils n'ont aucune légitimité. Bon, pourquoi? Parce que humainement, ils ne suivent pas. Voilà, tout simplement. Rien que ça, vous voyez, bon, je trouve ça odieux, ce qu'ils font, mais bon. Et je trouve ça odieux que personne n'invente autre chose. Surtout qu'en plus, on le voit, il y a de quoi gagner beaucoup d'argent. Alors on a vu donc le salaire de l'artiste. Ici, dans le tableau, on a les vendeurs. Alors ce qui est gris et oublié, on voit que grosso modo, pour 610 tableaux, par an, il faut 10 vendeurs. Alors je vais vous expliquer comment ça marche. 10 vendeurs font 5 visites par jour. D'accord? Ça veut dire que les 10 vendeurs voient 50 clients par jour. Ça veut dire qu'ils envoient 1000 par mois. Et ça veut dire qu'ils envoient donc 12 000 par an. Alors, on a en commerce une règle, c'est qu'on vend toujours à 5% des gens. On voit 100 personnes, on en vend à 5. C'est une règle un peu bête. Mais quand le produit est bon ou normal, bah elle fonctionne. Voilà. C'est comme en boîte de nuit, vous dites à 100 personnes, je t'aime, veux-tu m'embrasser, je t'aime, veux-tu m'embrasser, vous en aurez 5 sur les 100 qui vous embrasseront. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on voit qu'avec 10 vendeurs qui font 1200 clients par an, les 5%, ça fait 600 clients. Donc 600 clients, 610 toiles, c'est vendu dans l'année. D'accord? Donc, quel est le. C'est une certitude, ça, vous voyez, c'est mathématique. Alors, le vendeur, il faut qu'il vende ensuite tous les jours. Donc, en commission, ça lui fait à peu près, pour le vendeur, on le voit ici, ça lui fait une commission. Donc, c'est le tableau gris, ensuite le truc vert en dessous, et pas celui à 10 vendeurs, pas 40 vendeurs. On voit que le commercial, par mois, gagne 5 000 euros. Les artistes vont faire en sorte que 10 vendeurs gagneront 5 000 euros. Bon, c'est des petits vendeurs, ils font 5% de vente, ils ont un taux de réussite de 5%. Vous voyez, c'est vraiment le minimum. Au minimum, minimum, ils font 5 800, c'est-à-dire 6 000 euros. Bah ça les motive. Hein. Tout simplement parce que. Vous allez à la NPE, vous dites tu gagnes combien? Je suis à 2 000 euros, ça ne te dit pas de travailler dans l'art, vendre des œuvres d'art en tant que commercial, c'est plaisant, là tu payes combien? Les prévisions, c'est 6 000 euros. Ah ouais, c'est pas mal. Et pourquoi c'est 6 000 euros? Parce que c'est, encore une fois, l'artiste qui accepte de faire entrer le commercial dans son processus de vente d'œuvres. Donc, c'est pas que vendre, c'est aussi être présent. Massivement chez les collectionneurs. Et pour ça, il demande au commercial, il dit voilà, faisons équipe. Et mon travail, moi, pour Art Valor, c'est faire en sorte que je recrute les commerciaux, je recrute les artistes et ils font équipe. 10 vendeurs par artiste à peu près. Un peu moins en fait, parce que un vendeur peut vendre plusieurs artistes en fait. Mais ça demande évidemment d'avoir beaucoup beaucoup de vendeurs. Ici, j'ai fait par exemple avec 40 vendeurs l'exemple c'est que au bout de 4 mois, les 40 vendeurs ont tout vendu et ils nous engueulent parce qu'il n'y a plus de stock. Et ils ont pris des rendez-vous le mois prochain et on n'a plus de stock. Donc moi toujours c'est pour ça que j'aurai toujours beaucoup beaucoup beaucoup d'artistes. Alors je pense que bon, passons, mais je pense que ceux qui refusent, ben, je les zappe tout de suite, ça va vite, quoi. Ceux qui acceptent et qui sont déçus, ben, désolé, on a fait ce qu'on peut. ceux qui acceptent et qui jouent le jeu tout du long, ils atteindront ces chiffres assez vite, quoi. Et donc, ils feront une belle carrière. Après, je ne vous cache pas qu'évidemment, on dit à l'artiste, puisque tu gagnes beaucoup, autant que tu investisses dans un atelier, que tu aies des assistants, que tu vois. Vous savez, les Chinois, les artistes chinois, ils sont très sérieux, hein. Ils se lèvent à 7h du matin, et quand ils peuvent se lever à 6h, ils se lèvent à 6h, ils finissent à 23h, et ils produisent toute la journée. Ils produisent, ils produisent, ils produisent. Et pour eux, c'est un métier. C'est pas un statut de penseur anarchiste, baba cool qui fume un joint, quoi. Pas du tout ça pour eux, être artiste. C'est un travail, très sérieux. Et donc, eux, vous leur parlez de ces chiffres, ils comprennent tout de suite. Par contre, les artistes occidentaux mettent un peu de temps parce qu'on est, c'est chrétien, c'est marxiste, etc. Donc voilà la commission. On voit que la commission des vendeurs est bien. 5 000 euros par mois pour un commercial qui débute, ben, c'est très très bien. Et pourquoi les artistes acceptent de faire la lèche littérale dans des galeries d'art en disant, en se mettant à genoux, pitié, vendez mes toiles? Et pourquoi ils ne sont pas capables d'aller voir un commercial et de dire, on va faire équipe et on va gagner, on va partager les gains? Bon, voilà. Soyez capables de partager les gains. Vous sauvez des vies, vous sauvez des gens. C'est très bête de dire, oh, c'est des vendeurs, c'est des capitalistes, nous on est des artistes. C'est très bête, on est des vies. Art Valor, je le dis tout le temps, ne défend pas l'art qui est une académie, mais défend la vie qui est une totalité, une globalité. Moi j'aide les individus, je veux qu'un vendeur et un galerie et un artiste, je veux que les deux gagnent. Et pour les gagner, il faut que je les mette d'accord. Bah, c'est mon métier. Donc voilà, on a vu le salaire du commercial. Je vais passer à l'autre enregistrement à présent. À tout de suite. Bisous.